إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا السادس حول رسالة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في شرح شروط لا إله إلا الله. سندخل سيزيام السيز autour de l'interprétation des conditions de la ilaha illallah de son éminent Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala. Wa nahnu fi al-shart al-sabi' wal-akhir min hadhihi al-risala yaqulu al-qabul al-munafi lil-radd wa dalil al-qabul qawluhu ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Et donc nous sommes avec la septième condition qui est l'acceptation. Et l'acceptation c'est le contraire du rejet. Accepter, c'est le contraire de rejeter. Et les preuves de l'acceptation, ils sont dans le verset de Zohrof, que cite Cheikh ici. Et ainsi, tout messager que nous avons avant toi dans une cité ou vers une cité, tout messager avertisseur que nous avons envoyé avant toi, les riches ou les têtes ou les isés de cette cité disent: nous avons trouvé nos parents sur une voie et nous sommes sur leurs traces, et on les suit sur leurs traces. Et le prophète leur dit: et si je vous amène une guidée mieux que celle sur laquelle vous avez trouvé vos parents, ils disaient à leur messager alayhi salam: on m'écroit avec la chose que vous êtes envoyé, on m'écroit avec la chose avec laquelle vous êtes envoyé. Et le verset il dit: nous sommes vengés d'eux, et regarde la fin des menteurs, et regarde la fin du menteur. Le témoignage ici c'est: et on m'écroit en ce que on m'écroit en le message avec lequel vous êtes envoyé, ça veut dire ils ont rejeté. C'est là le point du témoignage dans le verset. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. Et l'autre verset dans sourate Safat: ils étaient quand on leur disait la ilaha illallah ni digne d'être adoré qu'Allah, ils s'enorgueillaient, ils se remplissaient d'orgueil, ils disent: est-ce que nous allons laisser notre divinité pour un poète fou? Ça veut dire, cet appel au monothéisme, ils le rejettent. C'est: est-ce que nous allons laisser notre divinité pour ce poète fou? Et là, c'est le point de témoignage pour l'acceptation. ومن السنة ما ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء ف فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Les preuves de la sunna de l'acceptation sont ce qui a été rapporté authentique de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda, il hadith chez l'imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de ce message avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il m'a envoyé l'exemple de ce que je transmets et les choses avec lesquelles j'étais envoyé comme guidé, comme science, c'est comme la pluie. Comme la pluie qui est tombée sur une terre. Et il y a une bonne terre qui a accepté l'eau et qui a fait pousser les herbes, la nourriture, etc., et les fruits, etc. Et il y a une autre sorte de terre, il a accepté tout simplement l'eau, mais il n'a rien fait pousser. Il a gardé l'eau, et l'eau et les gens ont profité de cette eau. Ils sont venus, ils ont pris de l'eau pour boire, pour irriguer, pour leur culture, etc. Une troisième catégorie de terre, elle, n'a rien accepté. Il n'a pas gardé d'eau, rien du tout. Une terre sec, dure, qui n'a ni accepté d'eau, ni rien du tout. Il n'a rien fait pousser. Ainsi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'exemple de celui qui a compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a profité de la chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il m'a envoyé. Avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il m'a envoyé. Et il a appris et il a enseigné. Et aussi ça c'est l'exemple de celui qui n'a pas levé la tête avec ce message, avec ce que j'ai transmis. Et il n'a pas accepté la guidée qui a été envoyée, avec laquelle j'étais envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas accepté, c'est-à-dire il a rejeté le message du messager alayhi salatu salam, et la guidée avec laquelle il a été envoyé. C'est ici le point du témoignage dans ce hadith. والشيخ يبدأ الآن في شرح هذه الأدلة. الشيخ de commencer à interpréter ces preuves. قوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها الآيات. يقول حفظه الله تعالى ومتع به ويشرحها بكلام السعدي رحمه الله تعالى. يخبر جل ثناه أن صنيع قريش ومن حولهم في ردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عما جاء به من الحق هو شبيه بصنيع الأمم السالفة مع أنبيائهم، والباعث لهؤلاء وأولئك هو التقليد للأشخاص والنحل. الشيخ pour le premier verset dans Surat Zukhruf. Ainsi, chaque fois que nous avons envoyé un messager dans une cité, pour une cité, comme avertisseur, lisez les riches, disaient jusqu'à la fin du verset. Ici, il nous cite l'interprétation de ce verset par l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce que ce qu'on fait Quraysh et ceux qui sont autour d'eux, en rejetant la da'wah du messager alayhi salatu salam, et en se détournant de ce qu'a rapporté ce messager alayhi salatu salam comme vérité, il est l'équivalent, il ressemble à ce qu'ont fait les autres communautés avant eux avec leur prophète alayhi salatu salam. Et qu'est-ce qui les a poussés tous à agir ainsi? C'est l'imitation des hommes et l'imitation des groupes. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها أي منعموها وملأها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم وليس بأول אבשלום, ותזיקו. فهؤلاء ليسوا ببدع منهم وليس بأول من قال بهذه المقالة وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود باتباع الحق والهدى وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. الشيخ السعدي رحمه الله يقول concernant ce verset tout messager que nous avons envoyé avant toi vers les cités comme avertisseurs, les riches, hein, les riches s'élèvent pour dire, ça veut dire, Cheikh Nasser Saadi dit, ceux qui sont aisés, ceux qui sont riches, et les têtes qui se sont fait avoir par dunya, et qui se sont fait avoir par leur fortune, s'enorgueillent devant la vérité. Et ils disent, nous avons trouvé nos parents sur ce chemin et nous les suivons sur ce chemin. Et il dit, rahimahullah ta'ala, que ceux-là, c'est-à-dire les Quraishites, ce n'est pas une innovation. Ils ne sont pas nouveaux dans cette voie-là. Hein? Et ce n'est pas les premiers qui ont dit ça. D'autres ont dit ça. Il dit, et cette opposition de la part de ces associateurs et cette preuve qu'ils ramènent ces égarés, en imitant les parents égarés, le but, ce n'est pas de suivre la vérité, il a guidé, mais c'est tout simplement un sectarisme pur, avec lequel ils veulent tout simplement faire triompher le faux. يقول ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. Et il dit, rahimahullah ta'ala, c'est pour ça que chaque messager qui dit à celui qui s'oppose à lui avec cette ambiguïté, nous avons trouvé nos parents sur ce chemin, et si je vous ramène quelque chose de plus véridique, et quelque chose qui est dans la guidée, mieux que que la voie sur laquelle vous avez trouvé vos parents. Aïe, afatattabi'ouni l'ajli l'huda, est-ce que vous allez me suivre pour la guidée? Qu'est-ce qu'ils disent? قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Ah! Ils répondent tout simplement, la chose avec laquelle vous êtes envoyé, nous n'y croirons. On n'y croit pas. C'est-à-dire le rejet. يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى وإنما قصدوا اتباع الباطل والهوى. Et avec ça, on sait, qu'ils ne voulaient pas suivre la vérité et la guider. Mais leur but, c'est de suivre le faux et les passions. Il en résulte quoi? فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Et on s'est vengé d'eux. Voilà le résultat. Et on s'est vengé d'eux. Qui s'est vengé d'eux? Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est vengé d'eux. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بِتَكْدِيبِهِمِ الْحَقِّ وَرَدِّهِمْ إِيَّاهِ بِهَذِي الشُّبْهَةِ الْبَاطِلَةِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةِ الْمُكَذِّبِينَ. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيب فيصيبهم ما أصابهم. انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. Nous sommes vengés d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont démenti la vérité, ils ont rejeté la vérité avec cette ambiguïté nulle. Et le verset, il dit, regarde la fin des menteurs, regarde ce qui arrive, et la fin des menteurs. Et il dit, rahimahullah ta'ala, qu'il fasse cela, doivent faire très attention. S'ils s'entêtent, ils continuent dans leur mensonge, il va leur arriver ce qui est arrivé au premier. Hein? يقول الشيخ عبيد حفظه الله ما تفيد هذه الآيات. Et Cheikh Obeid de dire, qu'est-ce que nous devons retenir de ces versets? أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وأنه ليس بدعا من المرضوض أقوالهم كما أن قومه ليس بدعا من المكذبين. Premièrement, c'est raffermir le cœur du prophète عليه الصلاة والسلام, et lui montrer aussi qu'il n'est pas le premier. Lui, c'est pas une innovation qu'on a, le premier à qui on a rejeté, et que son peuple qui s'est opposé à lui, qui a rejeté son message, ce n'est pas eux les premiers. ce n'est pas une innovation dans l'acte qu'ils ont fait. Abadan, il y a eu d'autres avant eux, d'autres ont démonté les messagers alayhi salatu salam, d'autres ont rejeté aux autres prophètes alayhi salatu salam. Taniyan, at-tahdhir min mukhalafati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Deuxièmement, c'est l'avertissement contre le fait d'être en divergence avec le prophète alayhi salatu salam. Talitan, khatar at-taqlid. وإنه من أعظم الصوارف عن قبول الحق والهدى. Troisièmement, le danger de l'imitation aveugle. Et l'imitation, c'est le point le plus fort pour détourner la personne de la vérité et de la guider. Hein? Regarde maintenant, des personnes qui sont sectaires pour une personne, pour une tête d'affiche parmi les prêcheurs de la télé, comme Abu Ishaq al-Houaini ou Mohamed Hassan, et j'en passe. Parle avec lui, tu vas voir comment il est. Sectarisme pour la personne. Et ça, c'est le sectarisme le plus dur. Hein, et le plus mauvais. Hein, au lieu d'être sectaire pour la vérité, et au lieu d'être un grand imitateur de la vérité, de ne suivre que la vérité, ben c'est la personne. Tu lui touches le tremblement de terre devant toi. Tu lui ramènes les erreurs. Ah, les erreurs qu'ont relevées les hommes de science dans les paroles de l'homme et dans ses écrits, etc., c'est un tremblement de terre devant toi après. Ah, l'imitation aveugle est très dangereuse. Ah, la même chose, regarde, en France, chez la jeunesse en France, maintenant, avec votre voisin à Brest, Abou Houdaïfa, etc. Vas-y, parle de ses erreurs. Montre comme quoi le théâtre, le chant islamique, Kada, et les erreurs dans lesquelles il est tombé, montre que ça c'est faux avec la parole, tu vas voir le tremblement de terre. Et ça, c'est le danger, le plus dangereux, c'est cette imitation aveugle, et ce sectarisme pour les personnes, et non pas pour la vérité. Et ceci est très dangereux. Qu'est-ce que tu cherches, Harry ? La vérité ou tu cherches les personnes ? Il faut que tu comprennes. Tu veux la vérité ? Ben, la vérité, il est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qu'on le messager alayhi salatu salam a dit. Il y a un homme, c'est un homme. Il est voué à l'erreur. Et l'erreur est humaine. Hein ? Il n'est pas épargné de l'erreur. Après les prophètes alayhi salatu salam, il n'y a personne qui est exempt de l'erreur. Tout un chacun est voué à faire des erreurs. Hein ? يقول ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إيه le prouve aussi ce qui a été rapporté dans les authentiques de Saïd ibn al-Musayyib de son père contre Abba Talib, contre la mort, hein, contre Abba Talib était dans l'agonie de la mort. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, il a trouvé Abba Jahl à côté de lui et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, oh oncle, dit la ilaha illallah, une parole que je trouverai comme preuve à mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder pour toi. Abu Jahl, les mauvais compagnons qui étaient là, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya lui ont dit, tu vas te détourner de la voix de Abdul Muttalib, tu vas te détourner de la voix, c'est-à-dire de tes parents, de tes aïeux, hein? Et ils n'ont cessé de lui répéter ceci. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein, lui redemandent encore une fois, et eux, ils reviennent avec la même parole, tu vas délaisser la voix de Abdul Muttalib. Et après le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, je vais continuer à demander, à te faire des duas, tant que on ne me l'interdit pas. Et après Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset, il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de faire des duas pour les associateurs et de demander le pardon pour les associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu concernant Abu Talib, tu ne guides pas, c'est-à-dire, ça s'adresse au prophète alayhi sallam, tu ne guides pas ce que tu aimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Et c'est cette parole, ce verset est adressé au prophète alayhi sallam, il est pour toute la communauté, c'est-à-dire la guider des cœurs, personne ne l'a. Tu ne peux pas, parce que tu aimes cette personne, tu vas la guider. Abadan. Et Cheikh, il a ramené ce hadith ici pour te montrer où est-ce que ça amène le fait de rejeter la vérité et le fait d'être sectaire pour le faux. Et le fait d'être sectaire pour le faux, ça a amené Abu Talib à la perte. قال المصنف في مسائل المسألة الثامنة et Cheikh Ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh, dans les choses que cite ici Cheikh Ubaid, il a dit concernant le 8e sujet dans le livre de Tawhid, madarratu ashabi su'i 'ala al-insan. Cheikh Ibn Abd al-Wahhab dans le livre de Tawhid dit le mal que font les gens, du mal à la personne, c'est-à-dire les gens du mal et les gens du faux, ils ont un impact néfaste et très mauvais sur les personnes, sur les humains. وقال مسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. Il a dit, ou le 8e sujet toujours dans le livre d'El Touhid, le mal qui découle du fait de vénérer les prédécesseurs et les grands, comme le faisait Quraysh avant, comme le faisaient les peuples dans lesquels ont été les messagers alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et comme les situations dans lesquelles tombent certains à vénérer des personnes et à être sectaires pour des personnes et à laisser la vérité de côté. Mais la vérité est de ce côté et de côté, d'un côté, et eux, là, le sectarisme aveugle pour une personne. Et ceci est très dangereux. Il ramène au fait le grand mal, c'est que la personne rejette la vérité et donne le dos à la vérité. يقول الشيخ حفظه الله فانظر هدانا الله وإياك كيف آثر أبو طالب دين آبائه وأجداده وأبى أن يشهد شهادة الحق إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. إياك أيها المسلم, إياك أيها المسلم والتعصب الأحمق والتقليد الأعمى. الشيخ de nous dire, حفظه الله تعالى, انظر كالله سبحانه وتعالى nous guide, comment Abu Talib a préféré la religion de ses parents, la religion de ses grands-parents, et il a refusé d'attester l'attestation de la vérité. Il cite le verset, dans cela, il y a un rappel pour celui qui a un cœur, et qui écoute, et qui est présent. Il dit, attention aux musulmans au sectarisme, à la folie du sectarisme, et attention à l'imitation aveugle. Qawluhu, innahum kanu idha qila lahum. Et concernant le verset qu'a cité Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab, rahmatullah alayh, quand on leur disait, dites la ilaha illallah, قال الشيخ عبد الرحمن السعدي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك الإلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها ويقولون معارضة لها أئنا لتارك آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. Et concernant ce verset, l'imam Sa'di rahimahullah, il dit, quand on leur disait, quand on les appelait vers la ilaha illallah, quand on leur donnait, ça veut dire quand on leur donnait, on les appelle vers la ilaha illallah, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset il continue, il dit, ils s'enorgueillent, ils se remplissent d'orgueil. Hein? Contre quoi? Contre la ilaha illallah. Contre le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et contre celui qui a ramené et qui les appelle au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent quoi? La suite du verset. Pour s'opposer à la ilaha illallah et à l'unicité, ils disent, est-ce que nous allons délaisser nos divinités? Celle que nous adorions, nous et nos parents, nous allons la délaisser. Et il continue. Pour la parole d'un poète fou. Et qu'est-ce qu'il veut dire par le poète fou ici? Mohammed alayhi salatu salam. Ça ne leur suffit pas. Hein? Le fait de se détourner, ça ne leur a pas suffi. Et le fait de le prendre comme menteur et de dire qu'il ment et de démentir son message, ça ne leur suffit pas. Mais ils ont jugé le prophète, alayhi salatu wassalam, ils lui ont collé une étiquette qui est injuste. Ils ont fait de lui un poète fou. Alors qu'ils savent qu'il ne connaît ni la poésie ni le poète. Et que sa personne et sa description, ce n'est pas la description des poètes. Et qu'il est parmi les créature d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus doué d'oraison. Et son opinion est la plus noble. Et ici s'arrêtent les paroles de Sa'di rahimahullah. Qultu wal qawlu li shaykh Ubayd hafidahullah wa hadha as-sani'u min al-mushrikin huwa nihayatu al-i'rad wa at-tark كما أنه أقبح الأساليب في الصد عن سبيل الله ولهذا كذبهم الحق جل في علاه ونقض قولهم وضحض فريتهم في الآية بعدها بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الشيخ عبيد de dire cette façon de faire de la part des associateurs c'est la fin de l'opposition et du délaissement. Et c'est le plus mauvais des styles pour se détourner de la vérité et pour empêcher les gens de rentrer dans la vérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a démentis. Hein? Et il a annulé leurs paroles. Il a anéanti ce mensonge qu'ils ont émis avec le verset qui vient après. Mais il a ramené la vérité. Et il a pris comme véridique les messagers avant lui. Il a ramené la vérité, c'est-à-dire Muhammad alayhi salam, et en plus de ça, il a pris comme véridique tous les messagers qui sont passés avant lui. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم بل جاء بالحق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعه في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. Il hafid ibn Kathir rahmatullah alayhi pour l'interprétation de ce verset qui suit, qui est le où Allah subhanahu wa ta'ala dément, et nous montre le mensonge et le faux dans lequel sont ceux qui sont têtes et s'enorgueillent devant le message des messagers alayhi sallam. Hafid ibn Kathir, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala le réplique. il leur dit, il a ramené la vérité, c'est-à-dire le messager alayhi salatu wasalam, il a ramené la vérité dans toute la législation qu'il a ramenée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans tout ce qu'il a annoncé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes étaient véridiques dans ce qu'ils ont annoncé, des nobles caractéristiques et des caractéristiques louables de ce messager alayhi salatu wasalam. Ils étaient véridiques dans ce qu'ils ont annoncé d'Allah subhanahu wa ta'ala et des caractéristiques louables d'Allah subhanahu wa ta'ala et des voies sûres et saines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé dans sa législation et dans son ordre comme l'ont annoncé les messagers alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire que les messagers étaient véridiques dans ce qu'ils ont annoncé. Et il ramène le verset où il dit: il t'a été dit ce qu'il a été dit au messager avant toi. Donc, les paroles qui t'ont été dites, avec lesquelles se sont opposés à toi les associateurs de Quraysh, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une innovation. C'est quelque chose qui a été dit au messager avant toi. La même chose, on leur a dit. Nous avons trouvé nos parents sur un chemin et on les suit. Et ainsi, on les a démontés, on s'est posé à eux et à leur message avec le faux. قوله هو من السنة ما ثبت عن نبي موسى إلى آخره. Et Cheikh va nous interpréter le hadith de tout à l'heure et de la sunna, ce qui a été confirmé par Abi Musa. قلت أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري. Et Cheikh de nous dire, ce hadith a été rapporté par Imam Bukhari ou Imam Muslim, et ici l'expression ramenée c'est celle de l'Imam Bukhari rahimahullah. Qawluh matalu ma ba'atani Allah bihi min al-huda wal-'ilm. Et quand le prophète il a dit l'exemple de la chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé, la guidée avec laquelle il m'a envoyé la science jusqu'à la fin du hadith, يقول الشيخ قلت ووجه استدلال المصنف به يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Cheikh Obaïd de dire le point de la preuve ici apparaît dans la parole du messager alayhi salam et l'exemple de celui qui a compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a profité des choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé et qui a appris et qui a enseigné, et l'exemple de celui qui n'a pas levé la tête avec les choses avec lesquelles j'étais envoyé et qui n'a pas accepté la guidée avec laquelle j'étais envoyé. C'est-à-dire le point de la preuve, c'est dans la fin. C'est-à-dire il a rejeté. Il y a un qui a accepté la science et la vérité avec laquelle a été envoyé le prophète alayhi salatu wasalam. Et l'autre a refusé. Donc le hadith, il y a une partie qui prouve l'acceptation. Et de l'autre côté aussi, le refus, une catégorie à accepter et une catégorie à refuser. Puisqu'on est dans la septième condition qui est l'acceptation, qui est le contraire du refus. قال النووي رحمه الله أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. النووي رحمة الله عليه dans l'interprétation de ce hadith dont Sahih Muslim dit, quant à la signification du hadith et le but de ce hadith, c'est de donner l'exemple de la guidée avec laquelle a été ramené le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est son exemple, c'est comme la pluie, et cela veut dire que les terres sont de trois catégories et les personnes sont de trois catégories aussi, sont comme les terres, trois catégories de terres et il y a trois catégories de personnes. فَالنَّوْعُ الْأَوَّلْ مِنَ الْأَرْضِ ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وينبت الكلى فينتفع به الناس والدواب والزرع وغيره. La première catégorie des terres, c'est que il profite de la pluie et il vit avec la pluie alors qu'elle était morte auparavant. Il fait repousser les herbes, les fruits, etc. Et les gens vont en profiter, ainsi que les animaux et les cultures aussi. وكذلك النوع الأول من الناس يبلغ الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. Et aussi la première catégorie des gens, hein, la guidée lui arrive, la vérité lui arrive, la science lui arrive, il la mémorise, il vit, son cœur vit, il met en application, il enseigne, il en profite, il fait profiter les autres. Comme la première catégorie de terre. وَالنَّوْعُ الثَّانِ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَا تَقْبَلُ الْإِنْتِفَاعَ فِي نَفْسِهَا لَكِنْ فِيهَا فَائِذَا وَهِيَا إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. La deuxième catégorie de terre, il ne profite pas elle-même, mais là, il y a un intérêt en elle. Ce qu'il retient à l'eau, et les autres vont en profiter. Il retient à l'eau, et les autres vont en profiter. Les gens, les bêtes, etc. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. Il en est de même de la deuxième catégorie des personnes. Ils ont des cœurs qui mémorisent, mais ils n'ont pas de compréhension. Hein? Ils n'ont pas de raison pour extraire ce qu'il faut extraire des significations et des lois, hein, de cette science. Ils la mémorisent. Ils n'ont pas un grand effort dans l'obéissance et dans la mise en application. Tout simplement, ils mémorisent jusqu'à ce qu'arrive un demandeur de science qui a besoin et qui a soif de la science qu'ils ont. Il la prend d'eux, il en profite, il fait profiter les autres. Et eux, leur intérêt, il est eux, c'est que ils ont été bénéfiques dans ce qu'ils ont transmis. Ils ne le mettent pas en application, eux. Ils ne savent pas en extraire les lois. Ils le retiennent jusqu'à ce qu'arrive celui qui est capable de le prendre d'eux, de le mémoriser et d'en extraire de loi et d'en profiter. Donc eux, ils retiennent pour que l'autre, il vienne. Hein? Et de par cette retenue, ils étaient bénéfiques. وَالنَّوْعُ الثَّانِي تالت من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. Et la troisième catégorie de terre, c'est une terre sec, hein, qui ne retient pas l'eau, qui ne fait rien pousser. Hein, il ne retient pas l'eau, donc elle, il n'en prend pas, il n'en profite pas, et il ne fera pas profiter les animaux, ni quoi que ce soit. Ni il n'en profite, ni les autres. أبدا. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم والله أعلم. Il dit, il en est de même pour la troisième catégorie des gens. Ils n'ont pas de cœur qui peuvent mémoriser. Ils n'ont pas de compréhension éveillée. S'ils entendent, hein, quand ils entendent la science, ils n'en profitent pas, ils ne la mémorisent pas, ils ne la retiennent pas pour faire en profiter les autres. Wallahu a'lam, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. يقول والكلام لا زال للنووي وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها أولا ضرب الأمثال ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليها وذم الإعراض عن العلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. Et dans ce hadith, il y a les catégories de la science, certaines catégories de la science. D'abord, fait de donner les exemples. Parce qu'avec les exemples, on comprend très vite. Il voit combien Allah subhanahu wa ta'ala donne d'exemples dans le Coran, combien Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne d'exemples dans sa sunnah alayhi salatu wassalam. Ou s'il y a dedans les vertus de la science et de l'enseignement. aussi est dedans la grande incitation à la science. Et il y a dedans aussi le blâme du fait de se détourner de la science. Et ici s'arrêtent les paroles de Nawawi rahimahullah ta'ala. Et cheikh de dire, cheikh Ubayd, wallahu a'lami, seul Allah sait. يقول حفظه الله هذا ما يسر الله جمعه وتحريره من الشرح المختصر على أدلة شروط لا إله إلا الله وقد تم الفراغ منه ليلة الخميس المصادف الواحد والعشرين من ربيع الثاني للعام 1414 للهجرة وكان بالمدينة النبوية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Et ce cheikh, il conclut, avec ici, il dit, ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité à réunir, à écrire, dans cette interprétation résumée sur l'épreuve des conditions de la ilaha illallah. Et il cite la date à laquelle il l'a terminé, qui coïncide avec le jour, le jeudi, le 21 jour du mois de Rabi' al-Thani, de l'an 1414, dans la ville du prophète alayhi salam, il a louange à Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel, par lequel s'accomplit le bien, prière et salutation sur notre prophète, et sa famille, et ses nobles compagnons, radouanullah alayhi. Fahadi shurut ikhwat al-islam, Imam al-Hakami rahimahullah ta'ala les a réunis dans certains vers de poème. فقال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا قد وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فذر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. كالله سبحانه وتعالى نفاس بخفيته دو ست دو ست انتخبتاسيون الشيخ عبيد حفظه الله تعالى كالله سبحانه وتعالى ألون سفي دو لبيسون الله سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير.